De lents tourbillons de poussière se levaient. On traversait Auteuil. Toutes les maisons étaient closes. Un réverbère, çà et là, éclairait l'angle d'un mur, puis on rentrait dans les ténèbres. Une fois, il s'aperçut qu'elle pleurait. Était-ce un remords? Un désir? Quoi donc? Ce chagrin qu'il ne savait pas l'intéressait comme une chose personnelle. Maintenant, il y avait entre eux un lien nouveau, une espèce de complicité, et il lui dit, de la voix la plus caressante qu'il put, « Vous souffrez ?»« Oui, un peu, » reprit-elle. Il lui semblait communiquer avec toute sa personne, par ce corps d'enfant étendu entre eux. Il se pencha vers la petite fille, et, écartant ses jolis cheveux bruns, la baisa au front, doucement. « Vous êtes bon, » dit Madame Arnoux. « Pourquoi ?»« Parce que vous aimez les enfants. »« Pas tous. » Il n'ajouta rien, mais il étendit la main gauche de son côté et la laissa toute grande ouverte, s'imaginant qu'elle allait faire comme lui, peut-être, et qu'il rencontrerait la sienne. Puis, il eut honte et la retira. On arrivait bientôt sur le pavé. La voiture allait plus vite, les becs de gaz se multiplièrent, c'était Paris. Hussonné, devant le garde-meuble, sauta du siège. Frédéric attendit pour descendre que l'on fût arrivé dans la cour. Puis il s'embusqua au coin de la rue de Choiseul et aperçut Arnoux qui remontait lentement vers les boulevards. Dès le lendemain, il se mit à travailler de toutes ses forces. Il se voyait dans une cour d'assises, puis à la tribune de la chambre, orateur qui porte sur ses lèvres le salut de tout un peuple, avec des foudres et des intonations musicales dans la voix, ironique, pathétique, emportée, sublime. Elle serait là, quelque part, au milieu des autres, cachant sous son voile ses pleurs d'enthousiasme. Ils se retrouveraient ensuite, et les découragements, les calomnies et les injures ne l'atteindraient pas si elle disait « Ah, cela est beau !» en lui passant sur le front ses mains légères. Ces images fulguraient comme des phares à l'horizon de sa vie. Son esprit, excité, devint plus leste et plus fort. Jusqu'au mois d'août, il s'enferma et fut reçu à son dernier examen.